Bonsoir, on est en direct d'MTC avec le Rama Raymond Pinto et on va continuer la Maseret, le troisième cours sur Gittin, Daf Tzadik, Amoud Alef. Et ce cours est pour les Nishma de Rosalie Baturida, de la Rifoshema de Yael Bat Rosalie, de Nissim Ben Aviva et de tous les Chayale Israël Bet Hashem qui sont en guerre en ce moment avec le Hamas et que Bet Hashem Akadosh Baruch Hu les aide. Nilcham Biglalem. Amen Kineratson et Bet Hashem, que bon cours à tous. Alors, on a arrêté la dernière fois à Daf Tzadik. Et on est en train de discuter de la permission ou la responsabilité ou l'obligation même d'une personne de divorcer sa femme. Maintenant, la Gemara, elle demande qu'est-ce qui serait dans un cas, on est au milieu de la page de Tzadik. Amar le Rav Papa, le Rava. Ah, non, excusez-moi, on a fait ça. On avait passé les deux points. On avait passé la question de Rav Papa qui l'avait demandé, dans un cas qui ne trouve rien de mal, est-ce qu'il a le droit de la divorcer? La Gemara, elle répond que oui, c'est pas juste qu'il a le droit de le divorcer. S'il la divorce dans un cas qu'il n'a pas trouvé quelque chose d'immoral, il n'a pas trouvé quelque chose de mal, etc., est-ce qu'on l'oblige à la reprendre? Et la Gemara, elle a répondu que non, puisqu'on a vu dans un cas de honnêteté, le honnêteté, il a toujours l'obligation que s'il a divorcé, il a l'obligation. Et puisque la Torah l'a mentionné juste dans le cas de honnêteté, ça s'applique au cas de honnêteté et pas à un cas régulier. On avait dit le cas d'honnêteté, c'était un cas d'un violeur. Oui. Ou d'un séducteur. Ouais, séducteur. La Gemara demande une autre question. Amar le Rav Meshar Shale Rava. Im libo le gasha vi yoshev et artav ou mesham sheto. Si. Rava, alors Rav Meshar Shale avait demandé à Rava. Si il a l'intention de la divorcer et elle est en train de le servir, ça veut dire que il reste marié avec elle, mais dans sa pensée il a l'intention de la divorcer. Mahou, quel est le cas? Est-ce qu'il y a une punition ou pas? Rashi l'interprète. Est-ce qu'il a une punition s'il reste avec elle ou pas? Puisqu'il veut la divorcer, s'il a l'intention de divorcer, il ne devrait pas rester avec elle. Exactement. Rachid Agmara répond, car yale al tichash al re'echa ra'a, vous yoshev levet achitra. Ne pense pas, n'aie pas des mauvaises intentions sur ton prochain, et lui, il reste avec toi sans savoir tes intentions. Exactement, tes mauvaises intentions. Tes mauvaises intentions. Tu veux la divorcer, mais ça te plaît qu'elle te serve. Quoi. Exactement. Tanya aya Rabbi Meir Omer. On a trouvé une braïta où Rabbi Meir nous enseigne. Nous enseigne comme ça. Keshem Shadeot Bema'achal Kar Deot Benashim. Intéressant que Rabbi Meir ici, il fait une parabole ou une comparaison entre la nourriture, c'est ça, un mets et une femme. Et les femmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire. Yesh lecha adam shezvu nofel letoch koso vezorko veno shoteu. Il y a un homme que si une mouche tombe dans son plat ou dans son verre, il le jette et il ne le boit pas. Vezo imidat papus ben Yehuda. Papus ben Yehuda, c'est un chacham. Bala shel Miriam. C'est ça. Shaya noel bifne ishto veyotze. Papus Behuda, hein, il avait peur que personne touche sa femme, comme la parabole de la mouche. Lui, s'il y a une mouche qui est tombée dans un seau et quelqu'un l'a touchée, il ne touche plus ce mets, il ne touche plus sa nourriture. Il va le jeter. Exactement comme sa femme. Si Chassou Shalom, quelqu'un l'a touché, il a divorcé, etc. C'est pour ça, quand il sortait de chez lui à la maison, il enfermait sa femme dans la maison. Non, et la charia. Mais pas seulement qu'il ne laissait pas parler avec les étrangers, ça c'est sûr. Il ne laissait même pas parler avec sa famille, avec ses cousins, avec ses frères. Pourquoi il n'avait pas confiance? Exactement. Ah non, elle bepne ishto. Il dit, ça c'est une midashena ogenet, Rashi dit. Wow. C'est pas un bon comportement, parce que ne pas laisser sa femme parler même avec à n'importe qui, c'est quelque chose que, qui est très très très très strict, très impossible d'empêcher sa femme de parler avec des autres personnes. Oui. Il dit il y avait la Eva qui s'est installée entre les deux, ça veut dire que... Oui. La Eva, c'est encore traduit en français. Non, Rashi, il interprète que quand une personne se comporte de cette façon, Eva, c'est une, ça crée beaucoup de stress et beaucoup de bagarres entre le couple. C'est ça. Des disputes. Et à cause de ces disputes, qu'est-ce qu'elle fait après? Elle brûle le plat. Elle va. Ou elle met le sel. Elle va. Non, mezana. Elle fait exprès. Oui, elle va se comporte pour pouvoir le provoquer parce qu'elle n'est elle pas d'accord avec ce qu'il fait. Pas juste pour pouvoir le provoquer. Puisqu'elle est enfermée. Ah ouais. Elle ne peut pas parler à personne. Alors. Oui, alors elle ne veut plus rester avec cet homme. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va avoir Chas v'Shalom, elle va cohabiter avec quelqu'un d'autre, avoir des relations avec quelqu'un d'autre. Et ça, c'est une mida qui n'est pas Megoun. C'est quelque chose. Qui est Megoun et qui n'est pas beau. Qui n'est pas beau. C'est pas un comportement. Ça, c'était le mari de Myriam. Ça, c'est des papous. T'es juif? C'est pas Myriam de la Torah. Non? Pourquoi ils disent alors Myriam? Myriam, c'était une femme qui était connue. C'est une femme Megadla Sehara. Ah, c'est elle qui faisait. Hein? Qui laissait pousser ses cheveux, là? Non, c'est non, Megadla Sehara, non. Il y a une histoire dans la Gemara, dans Chagiga. Ok. C'est Dav Daled. Chagiga, la Gemara là-bas, Daled Amoud Bet. La Gemara là-bas, elle rapporte une histoire que il y avait un chacham qui était assis avec l'ange de mort. Wow. L'ange de mort avait envoyé un messager pour aller chercher Myriam. Okay. Certaines Myriam. Et cette Myriam, c'était. Tosfot sur place, il dit c'était la femme de. Papous. Non, de Jésus. Non. Et il avait envoyé. L'ange de mort avait envoyé un messager de prendre sa neshama à cette femme. Maintenant, il s'est trompé. Le messager s'est trompé et il a pris une mauvaise Myriam. Et quand il est arrivé, bref, l'histoire, elle est arrivée, il lui a amené cette Myriam. Il lui a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il lui a dit, mais tu as pris la mauvaise Myriam, etc. Il lui a dit, bon, il lui dit, alors qu'est-ce que je fais? Je la retourne, qu'est-ce que... Il lui dit, non, puisqu'elle est là, reste là ici. Et le chacham demande... à l'ange de mort, comment est-ce que tu peux faire ça? C'est de l'injustice, ça. Tu prends une échange, je lui dis, t'en fais pas, les années se déroulent à un tzadik. Toute une histoire là-bas, c'est une histoire très intéressante. Mais cette Myriam, son mari, c'était Papous Ben Yehuda. Okay. Les gars de la serre. Donc celle qui l'a pris l'ange de la mort. Hein? Les deux, ils sont morts à la fin. Ouais. Parce que le messager est parti chercher l'autre aussi. Il a fait tout. Il y avait deux Myriam. Il y avait une Myriam qui était une qui travaillait à la garderie. Ah, une ganinette, une gardienne d'enfants. Gardienne d'enfants. Et il y avait, c'est là, Megadla Sehara, qui était une coiffeuse. Ah, ok. Et lui, il voulait prendre la coiffeuse et lui. Il s'est trompé. Et il s'est trompé. Bref. En tout cas. Alors, c'est pour ça, ici, Rashi dit, c'était la mère de Myriam. Le mari de Myriam, qui est la Myriam qu'on connaît dans Chagiga là-bas. Bon, bref, la Gemara, Rabbi Meir, il dit, ça, c'est pas une bonne chose à faire. C'est pas un comportement qui est acceptable qu'un mari enferme sa femme dans la maison. Maintenant, il y a un homme que une mouche tombe dans son... On s'en verre, mais Zorko veut choter. Et ça ne lui dérange pas, il jette la mouche et il le boit. Ok? Et il dit, ils ont mis date col à Adam. Ça, c'est un comportement que chaque personne peut avoir. Un homme qui a une bonne boisson devant lui, une petite mouche qui tombe, pas tout le monde qui va jeter tout. Il va l'enlever, il va le voir, c'est fini. C'est... La plupart des gens, ils font ça, c'est Mida Benoni, mais Mida de Kola Adam. La majorité des personnes vont se comporter de cette façon. Et c'est quoi la parabole? C'est quoi le. Comment est-ce que ça s'applique dans notre cas? Il dit. Qu'une femme, elle parle avec son frère, avec sa famille, et son mari lui laisse, évidemment. Et ça, c'est midat kol adam. Vesh lecha adam shezmul nofel etocho, letor tamchoui, motsetso veochlo. Et il y a un homme que une mouche tombe dans sa. Dans sa nourriture, non seulement qu'il la mange, il la suce et il le mange, etc. Et il dit, ça c'est un mida d'un rachat. Pourquoi? Shoret ishto yotza verosha paroua. Et il voit sa femme, elle sort dans la rue et elle c'est ça, un comportement légère, elle n'est pas de sa noix. Vetova bashuk et elle travaille dans le chouk avec, de façon très inappropriée. Ça veut dire vos prouma, Mishnet Zadea. Elle a tout le. Ouais, la façon la, qu'elle se tient, la façon qu'elle tout. S'habille aussi. Vos prouma, mes cols Zadea, ça veut dire. Les deux épaules d'autres découvertes. Découvertes. Verochet, c'est Imbne Adam. Et elle se. Tortille, se prémousse. Non, Rochetzit, ça veut dire qu'elle se lave. Oui, oui. Elle se lave quand même. Rochet, c'est Imbne Adam. Alors que Marie dit, ah, mais non! Qu'est-ce que tu veux dire? Bien sûr que dans un cas comme ça, elle va d'abord. Elle prend une douche avec des autres. Elle se lave dans des places où il y a aussi des hommes, etc. Ouais, voilà. Et que tout le monde peut la voir. Ah, alors elle passe dans le Bet HaMechatz. Alors dans un cas comme ça, la Gemara dit Zo mitzvah mina Torah le garcha. Celle-ci, il y a une obligation, il y a une mitzvah. Bon, regardez, très. On avait parlé dans les chiots précédents que il y a un cas qui a un chiyuv, il y a un cas qui a une mitzvah et il y a un cas qui est s'il veut, il peut la divorcer. Le chiyuv, l'obligation de divorcer sa femme, c'est quand il y a deux témoins. Ou au moins un témoin qui dit que, voilà, on a vu cette femme cohabiter avec cet homme, etc. Ouais. Ça, c'est une obligation. Maintenant, quand est-ce que c'est une mitzvah quand on voit un comportement immoral? C'est une mitzvah de la divorcer. Okay. Mais, s'il veut la divorcer pour Igdir Hatafshilo, selon Beit Hillel, il peut la divorcer. Maintenant, Igdir Hatashilo, c'est comme qu'on avait expliqué la dernière fois qu'elle avait brûlé son plat. Ça ne veut pas dire littéralement que ça fait juste dire. Bon, Rashi, il le dit littéralement, elle a brûlé son plat. Selon les autres commentaires, ils expliquent, selon le Rambam et le Maïri, dire Igdir Hatashilo, c'est qu'elle avait fait exprès. Elle va contre le vouloir de son mari. Alors là, il peut la marier. Il n'y a pas une mitzvah de la divorcer. Oui? Non. Il n'y a pas une mitzvah. Mais s'il veut, il peut la divorcer. Shenehemar, zo mitzvah mina Torah legarsha. Quelle est la source qu'on voit qu'un homme il a une mitzvah de divorcer sa femme? Shenehemar, ki matzaba ervat davar, puisque la Torah, le verset dit, puisqu'il a trouvé quelque chose de immoral dans son comportement, veshalcha mi beto, et il la renvoie de sa maison. Ve'alcha ve'atal eishacher. Et elle partira, non, elle partira maintenant avec un autre homme. Elle peut se marier avec un autre homme puisqu'elle n'est plus mariée. Akatouf karo acher. Pourquoi est-ce que le verset l'appelle acher? Il est d'Oresh maintenant. Rabbi Meir, il est d'Oresh. Pourquoi est-ce que la Torah elle aurait pu dire Valcha veita vitratna? Acher. Im ploni. Avec. Pourquoi la Torah elle appelle acher? Alors Rabbi Meir, il est d'Oresh le mot acher. Pourquoi il est un autre? Akatuv karo acher, le verset l'appelle acher, l'omar, she'en ze ben zugo shel zugo l'erichon. Parce que lui, c'est pas l'ami ou le prochain de son ami de l'autre. Puisque le premier, ze otzi recha'am ibeto. Ça veut Ça veut dire le comportement du deuxième mari n'est pas comme le comportement du premier mari. Le premier mari a envoyé cette femme parce que et ses comportements immoralement. Elle est une récha'a. Oui. Et c'est le deuxième, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait rentrer une... Lui, il a sorti une récha'a de sa maison. Et lui, il a fait rentrer une récha'a dans sa maison. Ça veut dire le statut de cette femme-là, elle ne change pas, même dans le deuxième Baal. Le deuxième Baal, il récupère quelque chose. Le deuxième Baal, il a sûrement entendu que cette femme s'est comportée. Non, ce que je veux dire, c'est que ça suit. Ça veut dire que la Rechaout, elle continue. Oui, mais ce n'est pas le point ici. Le point ici, c'est pourquoi on l'a appelé Acher. Non, oui, c'est le point, parce qu'on avait dit que dans le deuxième Baal, il ne peut pas la divorcer. On avait dit dans un cas d'Avar, pas de Herva. Dans le cas de Tavshilo, ben oui. Je ne sais pas, on avait dit. Non, profond que ça. Non, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup moins sévère dans le deuxième. C'est ce que je viens de te dire. Dans le premier, il a le droit de la divorcer, même si le plat qu'il lui a servi, il n'est pas bon. Non. Oui, c'est ce qu'on avait dit dans le premier. Non. Dans le deuxième, il n'a pas le droit à ça. Il faut qu'il trouve une ervate d'avant. Tu ne te souviens pas? Au contraire, c'est le contraire. Le premier. J'ai juste selon une interprétation. Oui. Selon le Rambam, comment le Get Pashut, le Get Mekushar, il explique que selon tout le monde, le premier mariage, c'est juste qu'il y a une ervat d'avar. Le deuxième, là, c'est la machloket Bet Shammai Bet Hillel et Rabbi Akiva. C'est-à-dire, oui, c'est vrai. Là, si selon Bet Shammai, c'est comme ça. Selon Bet Shammai, le premier et le deuxième, c'est la même chose. Matzah ervat d'avar. Selon Bet Hillel, non. Premier, c'est oui. Si Marsa Dava, le deuxième, c'est si, etc. Donc c'est plus Hamour dans le deuxième. Oui, parce que le premier, on va voir que le premier, c'est Eshet Neurim. C'est la femme de ton adolescence. Bon, parce que dans le temps, les gens se mariaient. Oui, les gens se mariaient jeunes aussi. Bah oui, c'est sûrement. Une fille de la communauté. La fille qu'il a grandi avec elle. Ouais. Et depuis qu'il a 18 ans, il s'est marié. Ok. Ah ouais. On a Israël et Khoupa, comme Mishnah dit. 18 ans, là, à l'âge de 35 ans, 40 ans, ça fait des années qu'il est marié avec cette femme. Tout d'un coup, il veut la laisser. Bagadeta. La Torah l'appelle comme s'il a trahi la femme de son enfance, dans son adolescence. Ah. Comme ça qu'on va voir tout de suite. Ah ouais. Oui. Alors, le point ici, c'est que la Torah appelle le deuxième mari un acher parce que c'est pas le confrère du premier. Ça veut dire quoi, ça, le confrère? Ça veut dire qu'il est. Il n'est pas ami avec le premier. C'est pas qu'il n'est pas ami, ça se peut qu'il le connaît même pas. Mais ils ont rien en commun. Ah. Dans le sens où? Dans le sens que lui, il a sorti une récha de sa maison. Il a vu un comportement d'une femme. Inopportun. Oui, immoral, une conduite immorale. Il a fait sortir de sa maison. L'autre, il savait qui est cette femme. Ouais. Elle savait que c'était une femme qui était. Il devait pas la prendre. Oui, il devait pas la prendre. Alors la lui, propre. Il a sorti une récha de sa maison. Lui, il fait rentrer une récha dans sa maison. Quoi, elle a pas la chance de se remarier, de faire, tu vois, à ce moment-là. Très possible. Mais avant qu'elle fasse, si elle a quitté son premier mari, elle décide. Waouh, regarde. Mais ça, c'est dans l'hypothèse. Mari, il connaît l'histoire. D'après ce qu'on vient de voir. Il y a des halakhot. Un homme ne se marie pas avec sans voir la femme. Sans voir la femme, ça veut dire sans la regarder. La voir physiquement. Et aussi, la Torah dit, si un homme veut savoir comment est la femme, c'est intéressant. Si l'homme veut savoir comment sa femme elle se comporte, qu'il regarde ses frères. Oui. Alors, ça veut dire, d'ici, qu'est-ce qu'on veut voir? J'aurais dû savoir. C'est pas le point de regarder ses frères ou ne pas regarder ses frères. Mais le point, c'est qu'il faut faire des recherches. Tu ne vas pas marier avec une femme. Une femme, tu l'as rencontrée, ok, c'est tout, on se rencontre. De toute façon, un homme, quand il rencontre une femme, et c'est une femme qui n'est pas tsnoua, je ne parle pas juste des habits. La tsnihout, ce n'est pas juste les habits. Dans le langage, dans la façon de parler. La tsnihout, ce n'est pas juste les habits. Une femme qui est tsnoua, c'est quelque chose de profond aussi. Oui. La façon d'un comportement, il y a certaines choses qu'une femme ne ferait pas. Oui. Elle a un comportement d'une femme. Pas un comportement d'un homme. Une femme, c'est une femme, un homme, c'est un homme. Bien sûr. Alors, après qu'il la rencontre, il peut très bien voir avec qui il a affaire. Ouais. Il peut très bien voir que cette femme, elle est dans le chouk. Bah oui. Oui, etc. Alors lui, c'est pas l'ami de l'autre. Non. C'est pour ça que la Torah l'appelle un acher, un autre. Lui, il a fait sortir une récha de sa maison, et lui, il a fait rentrer une récha. Ze otzi récha mi beto ve ichnitz récha le toch beto. Zacha, sheni, shalcha. Si le deuxième, il a un schout, il aura un schout de la renvoyer elle aussi. Sheneemar vesana isha acharon. Le verset, il continue, il dit, et si celui-ci, le dernier, il a haï, alors il aura un sroud de, la, s'il a un sroud, il aura un sroud de la renvoyer. Vi'im lave, et sinon, elle va le faire tomber. Non, coverto. Ah, va l'enterrer. Et va l'enterrer. Chez Nehemar, o kiyamuta ish, acharon. La Gemara a dit, Kidai hu bemita. Il mérite la peine de mort. Chazou shalom. Chez eux aussi, Recham Beethov, Zechensa, la Tor Beethov. Oui. Alors, ça c'est la conclusion. Juste une petite. Comment on dit ça, non ? Une petite parenthèse. Non, pas une petite parenthèse. Un petit récapitulatif ? Bon. Ou un petit. Bref, ce que Rabbi Meir nous a enseigné d'ici, qu'un homme devrait toujours chercher une femme qui est une femme qui est tznoua, qui a des bonnes midot, etc. Et qui ne soit jamais trop strict ou trop laxe envers le comportement de sa femme, mais il devrait toujours prendre le chemin du milieu. Maintenant, la Gemara, elle a rapporté un passage qui se trouve dans la prophétie de Melachi. Oui. Melachi, c'était un des derniers prophètes. Oui. Avec Haggai, c'était au deuxième temple. Haggai, Melachi, Zecharia. Et la Gemara elle rapporte là-bas, le verset là-bas, il dit comme ça. Ki sane shalach amar Hashem. Je lis tout le verset. Ki sane shalach. La Gemara elle rapporte juste le commencement du verset. Ki sane shalach amar Hashem Elokei Israël. Vechisa Hamas alevusho amar Hashem zvakot venimishmartem beruchachem velo tivgodu. De quoi ça parle cette prophétie de Malachi? Cette prophétie de Malachi, Malachi, il est en train de réprimander le peuple juif. Pourquoi il est en train de réprimander? Pourquoi il les réprimande? Alors, vite à moins 10. Possible. Ah, mais voilà. Ils ont fait mes frères. Alors Malachi, il réprimande le peuple juif, ouais. Spécifiquement les hommes. Les hommes, qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce temps-là? Ils étaient mariés. Et de plus, ils se sont mariés avec des femmes non-juives. Ah, ok. En addition de leurs femmes, de leur première femme, ils se sont mariés avec les non-juifs, avec des femmes non-juives. Ils ont pris des femmes nochriotes, ouais. Des femmes étranges. Étrangères. Alors il les a réprimandées. Ils les ont réprimandées. Maintenant, c'est quoi le péché ici qu'ils ont fait? Il y a deux péchés qu'ils ont fait. Le premier péché, c'est que ils ont transgressé le issur de prendre une femme non-juive, oui. Qui est une transgression très très grave, très très grave, puisque la kdoucha du peuple juif. Deuxièmement, le deuxième péché qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris une femme de plus sur leur femme, leur première femme. Ça, c'est un crime, ça. On ne peut pas avoir plus que femme. Oui, c'est bon. On parlait des juifs. Ah, on parlait des juifs quand on dit qu'on peut avoir plusieurs femmes. Oui, oui. Alors, une seconde. Maintenant, est-ce qu'il a pris cette femme, ce qu'ils étaient en train de est-ce que c'est un péché? Alors, le verset, il dit Vesana Shelach. Ki Sana, Sané Shelach. Qu'est-ce que, comment on traduit ces mots-là? Qui Sané? Celui qui a haï, c'est là. Shelach envoie. Il envoie. Alors c'est de qui on, c'est qui le haï ici? Qui c'est qui haï? Oui. Eh ben, qui c'est le qui mari haï? Qui haï Est-ce la que femme? Le mari? C'est le mari qui haï la femme dans ce cas-là. Ah, alors il y a une machloké. Ah, ok. Qui... Rabbi Yehuda il dit comme ça. Im Saneta Shelach. Rabbi Yehuda il dit très simplement. Si tu détestes ta femme, tu la renvoies. Alors ne laisse pas, ne prends pas une deuxième femme en addition de elle. Ah oui. On voit là. Si tu ne veux pas, Rabbi Yehuda vient t'enseigner. Si tu n'aimes pas ta femme, si tu n'aimes pas, on voit là. Comme Rabbi Yehuda, comme Beth Hillel, par exemple. Mm-hmm. Ne la laisse pas et ne la laisse pas. Imagine-toi un homme qui haït sa femme. Il prend une deuxième femme, goy, chas v'shalom. Oui, et il déteste sa femme. Comment est-ce que sa femme elle va être? Elle va être l'esclave à la maison, chas v'shalom. Et cette femme, elle va rentrer, elle va sortir du shopping, du truc. Sortir, elle s'éclate. Elle va être le chiffon à la maison. La douche à chiffon. Alors Rabbi Yehuda te dit, si tu ne l'aimes pas, envoie-la. Renvoie-la. Et prends une autre femme. Ouais. Pourquoi? Et ça soit même s'il prend une deuxième femme juive. Ouais. Si tu détestes ta femme, envoie-la et prends une deuxième. Ouais. Pourquoi est-ce que tu la gardes? Qu'elle soit, elle va souffrir, elle va être haïe. Ouais. Peut-être elle va se marier avec un autre homme. Ouais. Alors, ouais. Rabbi Yehuda, il interprète Vesena. Qui est-ce qui est le détesté, le haï ici? C'est le mari. Rabbi Yehuda, il dit non. Non, excusez-moi, qui est le détesté selon Rabbi Yehuda? C'est la femme. Si elle est détestée, on voit là. On voit là. Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, Omer, Sanouya Meshaleach. Rabbi Yochanan il dit non, le verset il parle du mari. Le mari est haï par Dieu lui-même. Sanouya Meshaleach. Le mari il est détesté par Dieu parce que. Ah ouais. Oui. Il est détesté par Dieu parce qu'il avait pris, une deuxième femme en addition de sa première femme. Et sa preuve, la Gemara dit, en vérité, il n'y a aucune contradiction entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yehuda. Pourquoi? Velo pligi. Habezug rishon, habezug sheni. Les deux cas, Rabbi Yochanan parlait d'un cas et Rabbi Yehuda parlait d'un autre cas. Zug rishon, oui, ça c'est Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan il dit. Qui est considéré détesté? Le mari. Oui. Ouais. Mais ça, c'est dans le cas d'un Zivou Grishon. Ah, dans okay. Le premier mariage. Okay. Parce qu'il a pris une deuxième femme. Ouais. Il est considéré Sanoui. Pourquoi? On va expliquer pourquoi. Et Rabbi Yehuda, il dit que. Rabbi Yehuda, il parle d'un deuxième Zivou. Deuxième mariage. Au cas du deuxième mariage, si tu n'aimes pas ta femme, on voit là, sans prendre. Sans la faire souffrir. C'est ça. D'Amar Rabbi Elazar. Que Rabbi Elazar dit. Quand on a Begar Shishtori Shona, Rabbi Elazar dit. Celui-ci qui divorce sa première femme, Afilu Misbeach Morid Alav de Ma'ot. Que le Misbeach. Il tombe des larmes de lui. Oui, il coule. Il coule des larmes. Chez Neymar, qui ramène la continuation du verset dans Melachi, les autres chenit asur, sodim ait misbeach Hashem. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait pleurer le misbeach de Hakadosh Baruch Hu. Va anaka me'en od penot el amincha. ולקחת רצון מידיכם ואמרתם על מה על כי השם העיד ביניך. Alors il dit en d'autres mots, ça c'est comment est-ce que le prophète il les réprimande. Ils disent vous avez fait pleurer le misbéach. Ouais. Vous amenez des corbanotes et Hachem ne le veut pas. Ouais. Ne le veut pas de votre main. Oui. Alors il dit ואמרתם, et vous allez dire mais pourquoi est-ce que Hachem il est tellement en colère. On voit. Le miséricordieux, pourquoi il est en colère envers nous? Alma ki al ki Hashem eid benecha ou ben eshet neurecha. Parce que Hashem il est témoigné entre toi et la femme de ton adolescence. Asher atab begad etab. Et que tu as trahi. Est-ce que tu l'as trahi? Vicha vertra ve eshet britecha. Et qu'elle est ton amie et qu'elle est ta eshet, ta femme de convenant. De ton alliance. De ton alliance, excuse-moi. Une femme d'alliance. C'est-à-dire, c'est grâce à elle, c'est avec elle que tu t'allies à Kadosh Baruch Hu. Voilà. En deux mots. Voilà. Alors, quand tu fais alors même que, c'est intéressant. D'abord, on voit de là. C'est même que Beth Hillel, même que Beth Hillel. Voilà. Alors, exactement. Alors, il dit, d'ici, on voit que même que Beth Hillel, il dit, ils disent, ils sont de l'opinion que. Il dit Khataf Shilo, elle a brûlé, son, etc. Mais le Mizbeach, il pleure. Ouais. Ça veut dire que si tu vas, si une personne il divorce sa première femme, oui, ça soit même pour une raison de Il dit Khataf Shilo, bon, si c'est un comportement immoral, il a une mitzvah. Mais si c'est juste pour ce que Rabbi Akiva a dit, ce que Rabbi Beth Hillel dit, Il dit Khataf Shilo, ou s'il a trouvé une femme plus jolie qu'elle, ouais. Le Mizbeach. Il pleure. Et il est sanoui, il est haï, il est détesté par Dieu. Ça, c'était la conclusion du vraiment de. En fait, la raison qu'il donne à la fin d'après ce verset, en fait, elle est très simple, elle est magnifique. Dans le sens où pourquoi le Mizbeach il pleure? Parce qu'en fait, il vient de briser l'alliance qu'il a fait le jour de son Kedushin avec sa femme, il fait une alliance avec Hachem. Voilà. Et en divorçant, il brise cette alliance avec Hachem. Parce qu'Hachem nous a commandé de nous marier, non? Exactement. De faire des kiddushin. Ça veut dire quoi le mot kiddushin à la base? Kiddushin, ça veut dire, ça vient du mot hekdesh. Hekdesh, donc. Hekdesh, ça vient du mot kadosh aussi, c'est la même chose. Et kadosh, ça veut dire sanctifier quelque chose. Sanctifier. Donc au moment où on fait le kiddushin, on sanctifie quoi? Hachem? Non, on sanctifie. Qu'on sanctifie Hachem de la façon qu'il nous a. Non. C'est vous, il nous a donné. Non, sanctifier, c'est sanctifier sa femme. Parce que ça veut dire? Dans le temps du Beth Amikdash, quelqu'un qui donnait quelque chose au Hekdesh. Oui, ça veut dire qu'il le donnait au Beth Amikdash. Il le décernait spécialement pour ça. Il le décernait. Alors, quand il le décernait, la chose qu'il a décernée, ça soit un veau ou une vache, je ne sais pas n'importe quoi, il devient Hekdesh, interdit sur tout le monde, sur le monde entier. Personne n'a le droit de le juger. C'est la même chose avec la femme. Quand l'homme, il a été Mekadesh, la femme devient comme un Hekdesh. Elle devient interdite à tout le monde, à part lui. Ça, c'est la chose qui lui chie. Parce que dans la Torah elle-même, le mot Kiddushin ne se trouve pas. C'est le Shon Chachamim. Même le mot Get. Oui, on avait dit ça au début. Ouais, c'est la Shon Chachamim. C'est en aramite. Ouais. En aramite, ça veut dire un shtar. Shtar. Ça veut dire un shtar. Un contrat. C'est un contrat. Ouais. Ah, exact. Ça, c'est un shtar. Parce que dans la Torah, on avait vu le verset qui discute du get, ça s'appelle Sefer Kritut. Mm-hmm. Alors, tant qu'on en parle, ça c'était la conclusion de cette sugya. Quand on en parle, la prochaine sugya, c'est que la première étape que quand un homme veut donner un divorce à sa femme, qu'est-ce qu'il doit faire? Premièrement, il doit savoir s'il a le droit de lui donner un divorce ou pas. C'est ça qu'est-ce qu'on avait appris. Premièrement, il va chez le rab. Voilà, chez le rabbin, j'ai des problèmes avec la femme, etc. Lui dit, je peux pas, je la déteste. Ah, si tu la détestes, bon, c'est quoi le cas? Là, on va décider s'ils peuvent même donner un guet à sa femme. Ouais. Maintenant, qu'il a passé cet étage, cette étape, maintenant, il faut qu'il... Comment est-ce qu'il va divorcer avec sa femme? Avec un guet. Bah oui. Avec un guet. Oui. Maintenant, on aurait pu penser que peut-être, c'est une petite introduction au prochain chiot. Ouais. On aurait pu penser que peut-être il peut la divorcer même avec un paiement, avec de l'argent. Dédommagement, style. Dédommagement, par exemple, et pas nécessairement avec un contrat. Quelle est la source? Qu'est-ce que la source? Dans la Gemara, dans Gittin, et dans la Gemara de Kiddushin aussi, Gittin, dans Chaf Aleph Amud Bet, la Gemara, elle rapporte là-bas. Il y a plusieurs halakhas qu'on avait appris qui s'appliquent dans un guet et dans le kiddushin. Quelle est la source? Le verset il dit Ve'atzta ve'aita le'ish acher. Veyatsta, c'est quoi? C'est le Girushin. Oui. Elle va sortir. Oui. Et elle sortira de sa maison. C'est le Girushin. Veyaita le Ishacher, c'est le mariage, oui. Au deuxième. Oui. Alors, la Gemara dit Hikish Yetsia le Havaya, Liot. Ça veut dire qu'il y a certains anachas qu'on apprend de la sortie de la femme. De la sortie de la femme à la rentrée de la femme. Dans ça veut dire les lois semblables qui se trouvent dans Kiddushin et les lois semblables qu'on trouve dans Gittin, on va les appliquer un à l'autre. Pour Gittin ou pour Kiddushin, okay. Pour Kiddushin. Alors, puisqu'on voit sur cette règle générale, on va appliquer la loi de Kiddushin à Gittin. Comme dans Kiddushin, Aisha Niknat Shoshad Rachim, il y a trois moyens d'acquérir la femme, Bekes, Beshtar ou Bebia, et une des façons, c'est avec un paiement. Alors on nous dit la même chose. Applique les lois de Kiddushin d'un paiement au Gittin, Beatsa Beaita. Alors on n'est plus pensé que. On peut la renvoyer, pas avec un guet, mais avec des dommagements, par exemple, etc. Bien, la Gemara dit non. On ne peut pas apprendre ça. Pourquoi? Parce que, concernant le guet, c'est écrit clairement dans la Torah, Vekatavla Sefer Kritut. Vekatavla Sefer Kritut. Maintenant, de ces trois mots, Vekatavla, quatre mots, excusez-moi, Vekatavla Sefer Kritut. Sefer Kritut, c'est un guet. Bref. Pourquoi c'est écrit Sefer Kritut? Pourquoi lorsque la Torah elle appelle Sefer Kritut? Kritut, ça vient du mot karet. Karet. Ça veut dire que ça doit être coupé, tranché. Ouais. Le guet doit être donné de façon que la femme devient complètement tranchée, séparée de l'homme. Ça veut dire qu'elle n'a aucune connexion ou aucune chose qui la rattache. Qui va la retenir dans ce... qui va la retenir de se marier avec un autre homme. Ça veut dire, si un homme, on va voir qu'il y a plusieurs cas, un homme dit à une femme, arrêtez guitter, voilà ton guet, en condition que tu te maries avec personne. Il ne peut pas. Parce que ça la rattache toujours à lui. Oui. Il y a certaines conditions qu'il y aura des cas que ça va marcher s'il fait des conditions. Il peut faire des conditions dans le guet, oui. Mais pas des conditions qui rattachent ou qui la gardent. L'emprisonne, en fait, dans ces conditions-là. Ouais. Alors, les Chachamim, ils disent dans Dafraf Alef, Vekatav, ça vient exclure Kesef, paiement. Parce que ça doit être un contrat, ça doit être écrit. Ouais. Un shta. Rabbi aussi dit non, on ne l'apprend pas de là-bas. Ils n'ont pas de discussion, ils sont tous d'accord que ça prend un guet. Mais lui, il dit non, c'est écrit Sefer Kritut. Du mot Sefer Kritut, lui, il apprend, les Chami, il apprend le Katav. Ça vient exclure. Excusez-moi, Abaye, il étudie d'un Hekesh, il dit on n'a même pas besoin du verset, on peut l'apprendre d'un Hekesh, etc. Bon, on va voir ça. Maintenant, ce qu'on va voir dans Daf Pei Hei, dans la Mishnah, que le Get doit être écrit de façon, comme qu'on avait dit, qu'on ne peut pas le comprendre d'un côté à ça, même le langage, la langue employée dans le guet doit être très très clair, qu'il n'a aucune connexion avec cette femme et qu'il se sépare entièrement de elle et qu'elle sera plus rattachée avec lui, elle est plus dépendante de lui de beaucoup de choses. Alors la langue dans le guet doit d'une façon très très directe. Et qui ne garde aucune connexion avec cette femme. Alors, dans Daf Pei Hei, si on va à Daf Pei Hei, donc on revient en arrière. Oui, on revient en arrière parce que on a fini, en fait, on vient de dire quand est-ce que la permission, quand est-ce qu'un homme a une permission de divorcer sa femme, on vient d'apprendre. Après qu'il prend sa décision et il se divorce, maintenant il faut qu'il écrit un guet. Comment est-ce qu'il va l'écrire, le guet? On va aller dans cet ordre. Ok, Chazak. Tu vas nous amener un guet pour qu'on voit un peu. Oui, Bezat Hashem. On va avoir sûrement une photo, au moins, du guet. Ok. On va amener un guet, on va voir comment ça s'écrit, comment ça se trouve, comment c'est un parchemin, etc. Est-ce que Il y a beaucoup de lois. Est-ce que ça s'applique? Est-ce qu'il faut l'écrire sur un klaf, un parchemin? Est-ce que ça va s'écrire avec de l'encre, avec un sofer, etc. Ils vont faire un... tu veux faire un mishta pour Daf Pe? Pour... pas trop long. Non, c'est, la, c'est en bas, en bas, en bas. Un mishta en bas, gouffre. Gouffre chez le guet, le gouffre du guet, ça veut dire... La template. Non. La partie essentielle du guet... Arrêt à mouter et l'école Adam. Ok. La, ouais, la principale notion du guet, c'est qu'elle soit permise à n'importe quel homme. Ça, c'est le Tanakama. Rabbi Yehuda, il dit que ce n'est pas suffisant. On ne peut pas écrire juste qu'elle est permise à tout le monde, à celui qui veut se marier avec elle. Rabbi Yehuda, Damer, Veden de Have Lichi Minai. Et voilà, tu auras un shtar de moi. Sefer Tirichoun, Vigeret Shivukin, Veget Piturin. Chaque chose, il doit. Chaque chose veut dire quelque chose. Il lui donne un get qui est fait un carré, une séparation. Mm-hmm. Et Igeret Shivukin, c'est une lettre de la renvoyer. Veget Piturin, elle est pas tour de tout. Ouais, elle est dispensée de tout. Elle est dispensée de tout. Les Mehar, les Insaba, les Kol Gavar, des Hatzvin. De, avec ça, tu peux te marier avec n'importe quel homme que tu voudrais. Ok. Goufo Shel Get. Goufo Shel Get. Goufo Shel Get. Ça part d'un Eved maintenant. Ok. Goufo Shel Get Shichur. Un Get Shichur quand un homme veut envoyer un esclave. Après un le Yovel. Ça c'est après le. Pendant non, après même le avant le Yovel. Aré Ad Bat Chorin. Aré Ad Latzmer. Voilà, tu es libre et tu es, sur toi en toi-même. Tu on continuera la semaine prochaine à plus profondeur de la définition d'un guet. C'est intéressant de voir.